Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Ce soir à 20h50, France 2 diffusera le docu-fiction Marie Curie, une femme sur le front, avec Dominique Raymond dans le rôle de la physicienne. Franck Ferrand nous en offre un avant-goût en ce 11 novembre. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Je suis d'autant plus content de vous parler du rôle de Marie Curie dans la Grande Guerre qu'un de nos fidèles auditeurs, le docteur Maxime Leroux de Saint-Laurent-Blangy, avait attiré mon attention sur ce sujet. Il est l'auteur, sous la direction des professeurs Berche et Fabiani, d'un mémoire d'histoire de la médecine sur Marie Curie et son engagement pendant la Grande Guerre. Alors, avec nous, dans ce studio, Marie-Noëlle Imbert, qui est co-scénariste du docu-fiction de ce soir, et auteur d'un ouvrage sur ce sujet, Marie Curie en 14-18. Et puis à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Guillaume qui vous demande depuis quand porte-t-on des chapeaux ? Autant se demander depuis quand on en porte moins. Pour le moment, coup de chapeau, si je puis dire, aux femmes en guerre et à la plus illustre d'entre elles, Marie Curie. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. La grande catastrophe qui s'est déchaînée sur l'humanité, accumulant des victimes en nombre effrayant, a fait surgir par réaction le désir ardent de sauver tout ce qui pouvait être sauvé, d'exploiter à fond tous les moyens pour épargner et protéger les vies humaines, écrit Marie Curie, 3 ans après la fin de la guerre, dans un ouvrage intitulé « La radiologie et la guerre ». Un livre très simple, très pur, où elle explique cette expérience et où elle montre tout ce que ça a pu apporter, bien entendu. En ce jour de célébration de l'armistice du 11 novembre 1918, qui a mis fin au combat de la Grande Guerre sur le front de l'Ouest, permettez-moi de rappeler que ce conflit pour la France va faire, tenez-vous bien, quelque 1 400 000 morts. Je ne parle essentiellement des soldats d'ailleurs, je ne parle que du côté français, bien entendu. 3 500 000 blessés et parmi ces derniers, plus d'1 million d'invalides permanents, dont 56 000 amputés et 65 000 mutilés. En 1914, quand avait commencé le cataclysme, l'Institut du radium voulu par Marie Curie et qui avait été commencé en 1911 venait tout juste d'être achevé. Seulement, au moment où sa créatrice aurait pu lui donner tout le rayonnement qu'elle attendait, qu'elle avait bien l'intention de lui donner, la guerre est arrivée qui a tout changé. Dès les premiers mois du conflit, il est apparu que l'organisation sanitaire était catastrophique. Vous allez me dire, c'est toujours la même chose. Je vous en ai raconté des guerres depuis 12 ans à ce micro et c'est toujours la même histoire. À peine les premières batailles engagées, on se rend compte qu'il n'y a rien de prêt sur un plan sanitaire. Le service de santé aux armées, en l'occurrence, est totalement désorganisé. Il n'a pas réalisé la puissance des nouvelles armes utilisées sur le front. Le médecin en chef, Jean-Jacques Ferrandi, et le gastro-entérologue Alain Segal parle, je cite, de redoutables blessures comme celles de balles de shrapnel, de mitrailleuses et d'éclats d'obus. On n'avait pas imaginé à quel point les obus seraient omniprésents dans ces combats et notamment dans les tout premiers affrontements de ce mois de septembre et même octobre 1914. Alors, que fait-on ? On fait des pansements iodés et pour les blessures les plus importantes, on essaie des évacuations vers les hôpitaux avec cette chose absolument terrible, vous savez, qui est ce qu'on appelle le tri au camp, c'est-à-dire qu'il faut choisir entre les blessés ceux dont on estime qu'ils ont une chance de survivre et qui vont pouvoir bénéficier de soins plus importants. Ferrandi et Segal nous disent les 2 premiers mois du conflit furent, de ce point de vue, un terrible désastre. Alors, dès le 15 octobre 1914, d'ailleurs ce n'est pas vrai seulement sur le plan sanitaire et médical, d'une façon plus générale, c'est cette grande réorganisation de la mi-octobre 14, vous savez, on a eu l'occasion déjà d'en parler, les chirurgiens sont affectés en nombre au front avec pour objectif de traiter un maximum de blessés sur place le plus rapidement possible. On ouvre donc un grand nombre d'hôpitaux dans la zone des armées. Évidemment, la stabilisation du front va rendre tout ça possible. Tant qu'on était dans une guerre de mouvement, on ne pouvait pas agir de cette manière. Et parmi les grandes nouveautés, eh bien, on compte le développement de la radiologie. radiologie dont il faut bien dire encore qu'au début de la guerre, elle est quand même relativement inexistante. Au 1er août 1914, il existe 21 postes de radiologie, 10 fixes dans les grands hôpitaux militaires de Paris, Lyon, Bordeaux, Nancy, etc. Il n'y a pas encore du tout de camionnettes radiologiques, bien entendu, seulement 2 voitures de démonstration. Au moment de la mobilisation, en tout et pour tout en France, il existe 175 médecins formés à la radiologie. On est vraiment dans les balbutiements, évidemment, et aucun à l'époque n'est affecté à un poste de radiologie en mobilisation. Ce qui veut dire que le seul radiologiste de l'armée était parti comme médecin-chef d'une ambulance dépourvue d'équipement. Donc vous aviez un radiologiste qui était effectivement sous les drapeaux, ben oui, sauf qu'il n'avait pas d'appareil. Donc voilà où l'on en est. Et c'est Marie Curie qui va rapidement se charger du développement de cette radiologie sur le terrain. Voilà ce que nous dit Marie-Noël Imbert. Elle sait que cette guerre sera meurtrière. C'est une physicienne. Elle connaît le pouvoir de la science. Les armes ont fait des progrès. C'est une pragmatique. Les balles, les éclats d'obus pénètrent dans les corps. Eh bien, les rayons X permettent de voir à l'intérieur des corps. C'est tout simple comme idée, mais c'est absolument fondamental. Et il y a dans l'ouvrage et dans les différents documents qu'on peut avoir, des photos absolument parlantes sur le sujet. Quand vous voyez effectivement une main, par exemple, de blessé, dans laquelle sont fichés 4 ou 5 éclats, comment voulez-vous, sans le secours de la radiologie, effectuer les opérations efficaces et rapides qui vont permettre de soigner le blessé sans avoir un jour à l'amputer ? Alors, toute pragmatique qu'elle soit, vous savez bien qui est Marie Curie. Elle est une sorte d'icône, hein, un emblème de la cause des femmes. Est-ce qu'il faut préciser qu'elle sera la première femme à entrer au Panthéon et avant cela, la première femme à enseigner à l'université, la première femme à recevoir un prix Nobel et même 2, en l'occurrence, la première femme aussi, ça c'est plus anecdotique, à conduire un véhicule militaire. Nous y venons dans un instant. Un mot sur la vie de cette Maria Sklodowska, qui était née à Varsovie en 1867, d'un père prof de maths et de physique et d'une mère institutrice. Elle avait en 1891 quitté sa Pologne, fait une licence de mathématiques, intégré, je vais vraiment très vite parce que ça n'est pas l'objet même de cette émission, intégré l'équipe du professeur en physique Pierre Curie. Ceux qui ont vu la très belle pièce Les Palmes de Monsieur Schutz ont quelques souvenirs de ça, évidemment, la pièce de Jean-Noël Fenwick. Ils se sont mariés, Pierre et Marie, à Sceaux en juillet 95. La petite Irène est née 2 ans plus tard. Pierre et Marie Curie, ainsi qu'Henri Becquerel, vont donc travailler, vous le savez, sur la radioactivité. Ils sont prix Nobel de chimie en 1903. Et puis, alors qu'ils sont au sommet de la gloire, disons-le, en 1906, c'est l'accident. Un jour de pluie, Pierre traverse un peu vite une rue. Il est, bousculé, renversé, écrasé par un fiacre lourdement chargé. Il va mourir. Et Marie reste seule avec leur enfant. Fait inouï pour l'époque, elle va remplacer son mari à la Sorbonne avant d'être nommée en 1909 professeure titulaire de la chaire de physique générale, puis de physique générale et radioactivité. C'est ainsi qu'elle a rebaptisé le poste d'une certaine manière. En 1911, ce sera donc son second prix Nobel, je cite le comité, en reconnaissance des services pour l'avancement de la chimie par la découverte de nouveaux éléments, le radium et le polonium, par l'étude de leur nature et de leur composé. Eh bien, au lancement de la guerre, c'est cette femme tellement extraordinaire et désormais mondialement célèbre qui écrit à sa fille qu'il va falloir en quelque sorte se retrousser les manches. Marie-Noël Imbert cite cette lettre. « Toi et moi, écrit Marie à sa fille, nous chercherons à nous rendre utiles. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. » Original du film La vie et rien d'autre de Bertrand Tavernier. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'organisation sanitaire durant la Grande Guerre et notamment à l'utilisation de la radiologie mobile grâce à Marie Curie. Alors on possède le manuscrit de l'ouvrage de Marie Curie justement sur son intervention radiologique pendant la Première Guerre et voilà ce qu'on peut y lire. Dans toutes ces formations sanitaires, dit-elle à propos de ce qui avait été mis en place dans les premiers mois de la guerre, l'appareillage radiologique ne se trouvait qu'exceptionnellement. Quand il y en avait un, il était rarement en bon état et en bonne main. Averti de cet état de choses par des conversations avec le spécialiste éminent, le docteur Beckler, j'ai entrepris en août 14 de suppléer dans la mesure du possible à une lacune qui me semblait très grave. Elle est totalement immergée dans son affaire, Marie Curie. Vous imaginez bien qu'elle a été bien mieux que d'autres et bien plus tôt à même de mesurer les progrès considérables que la radiologie pouvait permettre d'effectuer. Et évidemment de voir qu'on n'utilise pas les derniers progrès de la science, elle qui a consacré sa vie, qui s'est voué et dévoué au progrès du bien commun par la science, précisément. N'était-ce pas, après tout, le credo de son mari? Pour elle, c'est très difficile. Alors, elle commence par faire la chose la plus élémentaire qui soit. Elle recense les appareils radiologiques et elle obtient du ministère de la guerre une attestation pour mettre en place toute une équipe de manipulateurs pour service de radiologie. On est tôt, là, encore. Hein. On est à la fin du mois d'août. C'est vraiment les tout premiers mouvements de la guerre. Marie Curie reçoit l'ordre de mettre le radium qu'elle possède à la disposition du gouvernement. Alors on se dit, ah quand même, le gouvernement était particulièrement éclairé sur cette affaire. Pas du tout. Dites-vous qu'on est en période dite de réquisition générale et que ce que fait le gouvernement, c'est de réclamer tous les stocks de matières utiles ou rares dans tous les domaines. Donc notamment le radium, ça n'est pas inutile, mais enfin ça fait partie, je dirais, des mesures qu'on prend généralement en temps de guerre. La réquisition est effective dès le 4 septembre. Donc Marie Curie va faire un aller-retour Paris-Bordeaux pour mettre son stock de radium en sécurité. Pas oublier qu'on est évidemment, les Allemands, eux, sont en train d'avancer dans le nord du pays, bien entendu. Et à son retour, elle s'attelle à installer des postes fixes de radiologie dans les hôpitaux. Et très vite, elle estime nécessaire de mettre à disposition des équipements semi-mobiles et même mobile pour pouvoir intervenir au plus vite. Ben oui, s'il faut attendre 3 ou 4 jours que le blessé ait pu se rendre jusqu'à un grand hôpital pour bénéficier des avantages de la radiologie, bien souvent la blessure est devenue trop grave et ça ne sert plus à grand chose. Donc il faut que, puisque les blessés ne peuvent pas venir jusqu'aux appareils, eh bien il faut que ce soit les appareils, en quelque sorte, qui viennent jusqu'à eux. Au début de la guerre, écrit Marie Curie, les ressources en radiologie étaient tout à fait précaires et il s'agissait de réaliser au plus tôt un service de première nécessité pour les hôpitaux du territoire et de la zone des armées. L'utilisation des appareils normaux qui permettent de faire face à la plupart des besoins et qui, de plus, peuvent facilement être transportés, s'imposait donc à cette époque. Oui, le gros avantage, c'est que ce sont des appareils qui, globalement, ne sont pas si pesants ni si encombrants. Marie Curie estime qu'il ne faut pas déplacer les blessés, donc, mais transporter les appareils vers le front avec pour objectif d'aider les chirurgiens au plus vite et au mieux à localiser les fragments métalliques dans le corps des blessés pour permettre de les extraire au plus vite. L'idée n'est pas nouvelle, bien entendu. Déjà en 1905, nous disent Anaïs Massiot et Nathalie Pijarmico, déjà en 1905, la revue La Nature consacre un article sur l'association réalisée entre les constructeurs d'automobiles Panhard et Levasseur et le constructeur d'appareils radiologiques, Adolphe Greff, pour créer des postes mobiles. Les voitures radiologiques qui vont être construites dès le début de la guerre suivront une conception postérieure de Georges Massiot. Marie Curie n'a donc pas inventé ces véhicules nommés a posteriori les petites Curie. On va les appeler les petites Curie. D'ailleurs, au départ, on ne sait pas, pour être tout à fait honnête, si celles qu'on appelle les petites Curie ne sont pas Marie et Irène elles-mêmes. Et puis petit à petit, on va se mettre à appeler les véhicules comme ça. Mais ce sont les soldats qui, avec affection, vont les appeler ainsi. Et avec reconnaissance. Mais au départ, évidemment, ce sont des véhicules qui existent. Marie Curie organise le premier service de radiologie mobile. Ça, oui. Pour elle, il faut procurer le bénéfice de l'examen radiologique à tous les blessés sans exception. Et pendant 4 ans, elle va être chargée de la direction du service radiologique de la Croix-Rouge. Elle est aussi conseillère technique du service de radiologie du patronage national des blessés, qui avait été créé en octobre 14. Ce patronage avec pour mission d'apporter au service de santé militaire une aide scientifique, méthodique, de lancer aussi beaucoup d'appels aux dons, hein, parce qu'on a besoin on a évidemment besoin de dons financiers. Et qui dirige ce patronage, entre parenthèses, c'est le grand historien Ernest Lavisse. Ça, c'est pour l'anecdote. Il y a là-dedans des scientifiques, des industriels, des personnalités parisiennes, bien entendu, qui vont récupérer du matériel sanitaire et notamment radiologique. Le service radiologique du patronage national des blessés drainera la quasi-totalité des fonds privés levés par l'association, nous dit Marie-Noëlle Humbert. 700 000 francs sur l'ensemble de la guerre, l'équivalent de près de 2,5 millions d'euros. Marie Curie étudie les plans des véhicules militaires avec pour objectif, évidemment, d'adapter les voitures autant que possible à l'usage pratique de la radiologie. C'est un esprit ultra pratique, Marie Curie, surtout dans des circonstances comme celle-là, vous pouvez bien l'imaginer. Finalement, elle ne va pas utiliser ces premiers véhicules qui sont jugés trop lourds. Il faut mettre en place des unités de radiologie qui soient réellement mobiles. Voilà ce que nous dit Barbara Goldsmith dans Le portrait intime d'une femme d'exception. La femme d'exception en question étant Marie Curie. Les bureaucrates interdisent les femmes conductrices et techniciennes d'aller sur la ligne de front, mais Madame Curie a eu le dernier mot. Ah oui, quand on est deux fois prix Nobel, évidemment, qu'on est une sorte de légende vivante, ça aide un peu, et heureusement. Alors à quoi ressemblent les fameuses petites Curie, les voitures ? Une voiture radiologique, généralement automobile, transporte un appareillage complet pour l'examen des blessés, nous dit Marie Curie elle-même. Elle doit donc contenir d'une part la source d'électricité et d'autre part les appareils principaux ainsi que tous les accessoires indispensables. Il y a deux ou trois caisses de matériel dans des boîtes capitonnées. Trois personnes pour faire marcher tout ça, un médecin, un manipulateur et puis bien sûr un chauffeur. Il s'agit de civils qui n'ont pas été mobilisés, mais évidemment, précise Marie Curie, dans une bonne équipe, chacun fait plus que son métier. Le véhicule ne dépasse généralement pas les 50 km/h lorsqu'il est en déplacement avec des trajets qui sont très longs et rendus pénibles par la défiguration progressive des zones de combat, bien entendu. Vous imaginez bien qu'à force d'avancer et de reculer, les différentes lignes de front ont créé autour d'elles des paysages qui sont tout simplement apocalyptiques. Alors, pour ce qui est de l'électricité, il y a deux façons, il y a deux moyens, soit un groupe électrogène ou bien même carrément une dynamo. Le groupe électrogène est installé sur la voiture. Ce groupe ne doit être ni très lourd ni très grand, nous dit Marie Curie, mais en raison de la puissance qui lui est demandée, il ne peut guère peser moins de 100 kg. On le place soit à l'avant de la voiture, soit à l'intérieur de la caisse qui sert de carrosserie. Quant à la dynamo, elle permet beaucoup de réduire ce poids, justement, cette espèce d'encombrement. La voiture est plus légère, plus rapide, on restreint donc l'encombrement, mais l'inconvénient, c'est qu'à ce moment-là, il va falloir faire tourner le moteur, et donc ça use de l'essence, bien entendu. Marie Curie conclut, l'emploi d'un groupe électrogène est plus rationnel et plus économique. Au début de la guerre, il s'agissait surtout d'assurer un service rapide avec les moyens disponibles, tandis que l'essence ne manquait pas et n'était guère économisée. Il y a quelque chose d'assez émouvant à voir cette immense physicienne s'occuper de détails tout à fait pratiques, qui sont somme toute les détails d'une ménagère ou plutôt d'une personne qui veut absolument porter secours et donner tout le bien possible à ceux qui en ont nécessité. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyer vos questions, vos messages par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un court instant sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur Marie Curie et l'organisation du premier service de radiologie mobile durant la Première Guerre mondiale. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à Marie Curie, qui, secondée par sa fille Irène, a mis en place le premier service de radiologie mobile durant la Grande Guerre. Vous les voyez qui arrivent là à bord de leur automobile. Elle raconte ça, Marie Curie, bien sûr, en 1921, toujours dans cet ouvrage tellement précieux pour comprendre ce qu'a pu être cette expérience. À l'arrivée, dit-elle, on descend les caisses et les appareils et on les porte dans la salle où on s'en servira. Le chauffeur prépare le groupe ou la dynamo et établit au moyen d'un long câble qui fait 25 mètres la communication avec les appareils que le manipulateur dispose dans la salle. Avec les infirmiers, on pose aux fenêtres les rideaux noirs apportés par la voiture ou les couvertures de l'hôpital. Le manipulateur et son chef, d'un coup d'œil, choisissent la disposition des appareils, ils les placent, ils assemblent les pièces démontables de la table et du pied, installent l'ampoule et la soupape, établissent les connexions. On remplit la turbine de gaz d'éclairage pris à un tuyau ou apporté par la voiture dans une poche à gaz de 25 litres, un signe au chauffeur Et voilà la dynamo en fonctionnement. On envoie un courant d'essai dans l'ampoule. Si elle donne satisfaction, tant mieux. Sinon, on procède rapidement à un réglage délicat ou bien on prend une ampoule de secours, on prépare l'écran radioscopique et toutes sortes de petits accessoires à portée de main, papier, crayon, gants, lunettes de protection, fil à plomb. On dispose à l'abri des rayons les plaques et châssis et on place dans le cabinet de photographie les bains qu'on a apportés. Si l'on n'a pas eu de déboire, l'installation a pu être faite en une demi-heure. Il est rare qu'elle demande une heure. Ensuite, on apporte les blessés sur des brancards. On fait les examens radioscopiques. On prend des clichés. Parfois, on opère sous les rayons. Un aide inscrit toutes les observations. On emballe le matériel dans les caisses. On retourne à son port d'attache pour recommencer le même jour ou bien le lendemain. C'est un travail inlassable et c'est un travail éreintant, il faut bien le dire. Marie Curie va passer son permis de conduire en 1916. Oh, à l'époque, ça ne devait pas être bien compliqué, entre nous, soit dit. Elle se rend elle-même sur le front désormais, à Creil, à Fulnes, à Joinville, à Amiens, Reims, Verdun, bien entendu. Marie Curie s'entoure de gens de confiance, bien entendu, et elle a avec elle bientôt sa fille, Irène, qu'elle va considérer comme son amie, comme sa compagne, non pas d'infortune, mais en tout cas de travail. Elle est très autonome, cette Irène. D'ailleurs, elle va la laisser au front, prendre la tête d'un certain nombre d'opérations, ce qui permettra à Marie Curie de former, elle, pendant ce temps-là, d'autres manipulatrices en radiologie, parce que c'est bien beau d'avoir le matériel, d'avoir l'organisation et l'habitude, mais il faut avoir les gens, ensuite, pour s'occuper de tout ça, bien entendu. Ça se développe, hein, très rapidement. En février 1916, nous dit Marie-Noël Humbert, le réseau de Marie devenait tentaculaire et sa force de frappe exponentielle. Tous ces petits soldats dont elle était le chef secret et légitime la suivaient volontiers dans cette guerre clandestine. En déléguant ses pouvoirs, elle décuplait ses forces. J'ai réussi moi-même à équiper 18 de ces voitures, écrit Marie Curie, grâce à des dons particuliers et aux ressources du patronage national des blessés. Plusieurs châssis ont été mis à ma disposition par de généreux donateurs ou donatrices, dont certains ont bien voulu aussi faire les frais de l'appareillage complet. Certaines voitures radiologiques ont permis d'examiner jusqu'à 10 000 blessés. Pendant la durée de la guerre, une équipe de radiologie pouvait acquérir une expérience considérable, ainsi que l'habitude de se débrouiller pour faire face à toutes les éventualités, dit celle qui, peu à peu, s'était en quelque sorte improvisée infirmière, si je puis dire. Alors la toute première voiture radiologique, elle avait été fournie par l'Union des femmes de France et équipée à ses frais. Cette petite voiture à carrosserie ordinaire, ne portant que l'appareillage strictement nécessaire, a assuré seule le service du camp retranché de Paris pendant la plus grande partie de la guerre et notamment lors de l'affluence de blessés qui se produisit en septembre 14 à la suite de la bataille de la Marne, nous dit la principale intéressée. Alors, vous connaissez le bilan épouvantable de la guerre, notamment en termes de blessés, car on parle toujours des morts, bien sûr, mais il y a eu tellement, tellement de blessés. La radiologie, nous disent Ferrandis et Segal, joua un rôle primordial dans le diagnostic et le suivi du traitement des liaisons osseuses, loin d'être codifiées en août 1914 pour les fractures diaphysaires et ostéo-articulaires. Marie Curie nous dit « On pouvait évaluer à 900 000 environ le nombre des blessés examinés au rayon X au cours des années 17 et 18. Le nombre total des examens pendant ces deux derniers se montant à 1 100 000. Des chiffres, nous dit-elle, qui témoignent éloquemment de l'activité des services radiologiques pendant la guerre. Ils prouvent que rien n'a été négligé pour assurer aux blessés et aux malades les soins qui leur étaient dus. » J'ai fait moi-même l'examen radiologique de plus de 1000 blessés, dira Marie Curie. Parmi ces examens, il y en eut de fait à toute extrémité où j'ai eu le bonheur de contribuer directement à sauver la vie d'hommes qui, sans ce secours, eussent été perdus à brève échéance. Bonjour Marie-Noël Humbert, nous allons avec vous revenir sur cette extraordinaire expérience pendant la Grande Guerre. de la musique du docufiction Marie Curie, une femme sur le front, diffusée ce soir sur France 2 à 20h50. Alors ça tombe bien, un jour de 11 novembre, d'avoir ce très beau film où l'on voit Marie Curie se battre non seulement sur le front et sur le terrain d'une certaine manière, Marie-Noëlle Imbert, mais aussi auprès des administrations et de tous ceux qui au départ ne comprennent pas toujours l'importance ni l'intérêt de ce qu'elle propose. Oui, la bataille a commencé dès le départ sur le principe même, sur le fait d'apporter les rayons X, la radiologie sur le front. Puisque le dogme de l'état-major était d'évacuer les blessés vers l'arrière, et on sait que ça a provoqué énormément de dégâts. Et donc Marie Curie va dans le mauvais sens, je dirais, d'un point de vue de l'autorité. En plus, c'est une femme, une civile, donc elle obtient extrêmement rarement les laissez-passer pour aller sur le front. Donc il faut à la fois trouver du matériel, trouver du personnel, et se débrouiller pour y arriver malgré les interdits. Ce qu'on va voir sur France 2 ce soir, c'est directement tiré de votre ouvrage. Alors, Marie Curie, portrait d'une femme engagée, 14-18. C'est un travail qui s'est fait un peu en parallèle, oui. Puisque le projet de départ, c'est Capadrama. Après, le film Pasteur, c'est exactement la même équipe. On avait fait un film sur Pasteur. Et on a eu envie de renouveler l'opération, c'est à l'origine de Cécile Rongier-Machard. Ça se voit que c'est la même équipe, puisqu'il y a la même esthétique, la même douceur dans les images, il y a quelque chose de presque d'un peu scientifique. On touche du doigt l'atmosphère hein, de cette belle époque pour la science aussi, ce qu'on a parfois tendance à oublier. Comment vous est venu cet intérêt pour Marie Curie initialement ? Donc c'est le projet de Cécile Rongier-Machard, la productrice, et je dois dire que nous avons eu un petit peu de mal à l'aimer. C'est-à-dire qu'après Pasteur, vous vous êtes dit pourquoi pas Marie Curie, c'est ça voilà. L'idée voilà. Voilà, c'est l'idée, quel était l'autre grand personnage qu'on pouvait faire découvrir en prime time à un nombre important de gens, et évidemment Marie Curie s'est imposée. Mais elle était compliquée à comprendre, et c'est en cherchant à la comprendre, en cherchant à trouver ce qu'elle était d'un point de vue humain, qu'on a petit à petit resserré nos recherches sur la guerre de 14, parce qu'il nous est apparu que c'était là qu'elle se révélait le plus. J'avais raconté il y a 5 ou 6 ans cette affaire hein, des petites Curie et de la radiologie sur le front, et j'ai le souvenir que ça m'avait valu un très grand nombre de courriers. Ça avait beaucoup intéressé les gens, donc j'espère que ce soir sur France 2, très nombreux seront les téléspectateurs à découvrir l'action de Marie Curie, bien entendu. Comment avez-vous travaillé? À partir de quels documents? Alors nous avons travaillé avec les archives du musée Curie, mais aussi beaucoup avec les archives de la Bibliothèque nationale, qui sont en fait les archives familiales de la famille Curie. Donc toutes les notes, tous les agendas, tous les télégrammes, toutes les lettres de Marie Curie pendant ces 4 ans sont conservées à la Bibliothèque nationale, ce qui permet de reconstituer presque jour après jour son action, ses batailles, les oppositions qu'elle a dû surmonter, les moyens qu'elle a trouvés pour se débrouiller, très souvent d'une manière illégale. Voilà, ce sont des dizaines de petites histoires. Installer des postes radiologiques à Verdun, par exemple, ça a été extrêmement compliqué. Et 9 mois plus tard, c'était Verdun, c'était la grande bataille. Et puis, nous avons travaillé aussi avec les archives familiales de Claudius Regaud. Ah oui ? Qui est un autre personnage de cette histoire que nous sommes heureux de faire sortir de l'ombre dans laquelle il était depuis quelques décennies. De ses oubliettes. Voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement important pour le traitement du cancer par radiothérapie, qui a créé la Fondation Curie avec Marie Curie, dirigé le laboratoire. Enfin, c'est quelqu'un d'essentiel de ce point de vue-là, et dont le parcours pendant la guerre a aussi été très déterminant. Et pendant notre travail de recherche autour de ce film, les archivistes de l'Institut Curie, du musée Curie, ont trouvé une lettre que Marie Curie envoie en 1917 à Claudius Regaud pour lui dire qu'il faudrait peut-être créer des centres de radiothérapie, la radiothérapie avec le radium, c'est-à-dire transformer le laboratoire de recherche qui leur avait été donné juste avant la guerre en un lieu où on pouvait aussi soigner. Donc elle est à l'origine de cette énorme bascule qui va donner tous les centres anticancers et l'Institut Curie. Et on a trouvé dans les archives familiales de Claudius Regaud, qui était quelqu'un de très organisé, le rendez-vous qu'il avait avec Marie Curie 11 jours après cette lettre. C'est tout le paradoxe et toute l'ambivalence de la grande découverte des Curie. Hein. C'est à la fois les dangers, bien entendu, et Marie Curie finira par mourir elle-même d'une leucémie consécutive à des irradiations répétées. Elle ne meurt qu'en 1934, 20 ans après le début de la Première Guerre mondiale. Et puis en même temps, cet aspect de progrès pour l'humanité dans tous les domaines, et notamment de progrès curatif, elle en a eu, elle, la première intuition, il faut le dire, et très tôt de cela. Hein. Alors c'est Pierre Curie. C'est Pierre Curie, oui. C'est Pierre Curie qui a voulu reproduire une expérience qui avait été faite par des chercheurs allemands, et qui a pris un petit tube radioactif avec son radium, et qui se l'est apposé sur le bras pendant un certain nombre d'heures. Il fait une communication à l'Académie des sciences pour témoigner de ce qui arrive. Et effectivement, la brûlure qui apparaît démontre le fait que les radiations détruisent les cellules. Et si elles détruisent des cellules saines, elles peuvent donc potentiellement détruire des cellules cancéreuses. C'est Amandine qui nous conseille d'aller visiter le musée Curie à Paris. Et elle nous dit, Maison des Illustres récemment rénovée, qui a une équipe très dynamique, qui a aussi des archives dont vous avez pu profiter. Et c'est bien sûr avec toutes ces personnes que nous avons travaillé. Et c'est très émouvant parce que le musée Curie est l'ancien bâtiment du laboratoire de Marie Curie dans cet institut du radium qui est censé ouvrir ses portes justement où la guerre de 14 démarre. Alors évidemment, vous disposiez aussi de ce manuscrit de Marie Curie elle-même et puis de du texte publié en 1921 où toute l'histoire est racontée. Ça, c'est formidable. Elle vous a un peu mâché le travail, si je vous dirais. Elle a fait elle-même le chemin. Alors elle fait le chemin, mais ce qu'elle écrit en 1921 est déjà très tempéré par le temps et par son désir à ce moment-là d'être politiquement correcte, je dirais. Donc elle est moins... Elle tape moins que dans le manuscrit, voilà, en fait. Voilà, elle tape beaucoup moins que dans le manuscrit de 1919 qui n'est pas destiné à une publication. Et quand on recoupe ce manuscrit, qui était donc aux archives de la Bibliothèque nationale et qui n'avait jamais été publié jusqu'à présent, quand on le recoupe avec toutes les archives, toutes les notes, etc., on peut effectivement non seulement suivre son parcours, mais découvrir un certain nombre de détails qui sont extrêmement éclairants sur la bataille qu'a représentée l'installation des voitures. C'est-à-dire que les chiffres, c'est 18 à 20 voitures, 200 postes fixes, 150 à 180 manipulatrices radio formées par Marie Curie, ces chiffres-là, on les connaissait. Mais quand on comprend ce que représente l'un de ces chiffres, une voiture, un poste fixe, quand on voit la difficulté que ça représentait pour elle, là, on prend conscience de l'engagement que ça a pu être. Et c'est extrêmement émouvant. Et vous parliez tout à l'heure des 1000 soldats, voilà, les 1000 examens qu'elle a fait elle-même. Elle a elle-même, de sa main, noté le nom, la date, le lieu, l'évolution des blessures. On retrouve des lettres où elle prend des nouvelles de ses soldats. Et ensuite, elle note l'état dans lequel ils sont. Il y a certaines résurrections, hein, des soldats qu'on croyait totalement perdus. Et simplement parce qu'on extrait un projectile qui, en quelques jours, se rétablisse. Et qui était complètement caché dans les chairs derrière les os, qu'on n'aurait pas pu trouver sans la radiologie, il faut le dire. On n'avait pas trouvé. C'est-à-dire que le problème des projectiles, c'est qu'ils peuvent migrer dans le corps, c'est qu'ils ne sont pas forcément dans la droite ligne de l'endroit par lequel ils sont rentrés et que sans cette capacité de voir à l'intérieur du corps, on ne peut pas les trouver. Et donc c'est l'infection, l'amputation ou la mort. Bien sûr, et sans parler des souffrances intermédiaires. Donc c'est merveilleux de pouvoir apporter cette technologie sur le front même, mais alors, avec quelles difficultés, vous le dites, c'est un travail de tous les jours, c'est un combat qui en quelque sorte n'est jamais gagné pour elle, il faut bien le dire, parce que tout est tellement facile rétrospectivement. À l'époque, ça ne l'était pas du tout. Oui, obtenir un laissez-passer, c'est extrêmement compliqué. Obtenir de passer sans laissez-passer, c'est-à-dire ce qu'elle fait la plupart du temps, ça demande quand même beaucoup d'imagination. Obtenir du matériel, c'est compliqué. Elle s'est rusée avec les administrations, elle sait comment s'y prendre, avec les militaires notamment. Elle a compris comment ils fonctionnent, si j'ose cette expression. Elle a parfaitement compris comment elle fonctionne. L'histoire de la Belgique est assez révélatrice pour ça, puisque les Belges, qui sont quand même totalement assommés par l'attaque allemande, eux, en revanche, voient arriver Marie Curie avec beaucoup de plaisir. Et donc elle y va en trompant les autorités, en jouant sur deux types de laissez-passer complètement différents. Elle en récupère un à la Croix-Rouge, parfois elle montre un laissez-passer belge, parfois un laissez-passer français. Enfin, elle s'adapte et elle finit par passer, étape après étape, et par arriver en Belgique. Et quand elle revient, elle est très mal reçue par le responsable du service de santé des armées, qui l'accuse non seulement d'être allée à un endroit où elle n'avait pas le droit d'aller, mais en plus avec une voiture qui ne lui appartenait pas, puisqu'elle a fait don au service de santé des armées d'un certain nombre de voitures radiologiques. Voilà. Et elle lui répond que cette voiture-là, en question, est la sienne, celle qu'elle s'est gardée pour elle. avec laquelle elle est allée dans un certain nombre d'endroits. Alors elle ne dit pas lesquels, ce qui est un peu cruel pour ce pauvre responsable qui doit se demander où elle a bien pu agir en douce comme ça. Et puis elle lui rappelle qu'elle a été appelée par le roi et la reine des Belges. Et la réponse du responsable du service de santé des armées est assez formidable, qui dit « Ah, écoutez, je suis désolée de ce malentendu, je ne savais pas que le roi et la reine des Belges vous avaient fait demander. » Voilà, trois petits points. C'est juste un exemple de tout ce qu'elle a pu faire pour passer. Alors justement, Henri nous dit, il y a quelques semaines à Charleroi, puisque vous parlez de la Belgique, nous venons d'inaugurer un grand hôpital nommé Marie Curie. Nous en sommes très fiers. Un petit détail, et puis on va venir à la vie de Marie Curie par ailleurs et à tout ce qu'elle représente, à sa psychologie aussi, aux liens qu'elle pouvait entretenir avec cette fille qui va devenir sa seconde, d'une certaine manière, dans l'opération incroyable des voitures radiologiques. Un mot sur la tenue. On la voit sur un certain nombre de photos pendant la guerre, toute blanche comme un ange, hein. Elle est d'un blanc éclatant, et dans le film elle est toujours habillée en noir comme une veuve. C'est un parti pris de mise en scène? Non, parce qu'on ne la voit pas si souvent en blanc quand même. Il doit y avoir une ou deux photos effectivement en Belgique où elle est en blanc. Oui. Mais la plupart du temps, elle porte sa robe noire, et c'est aussi ce que raconte Ève dans sa biographie. Elle raconte la tenue qu'elle portait en permanence, qui est cette robe noire. Un court extrait de la musique de docufiction Marie Curie, une femme sur le front, diffusée ce soir sur France 2 à 20h50, dont la co-scénariste Marie-Noëlle Imbert est votre invitée cet après-midi, Franck Ferrand. Alors, moi j'ai eu la chance de le voir avant, ce film, et je vous le conseille, bien entendu, c'est un beau moment, très émouvant, et il y a cette relation au cœur même de l'affaire, cette relation entre Marie et sa fille Irène, qui était née en 1897, donc elle est à l'époque glorieuse de la découverte, des grandes recherches sur le radium, sur la radioactivité, etc. Et Irène est donc toute jeune. Quand on fait le calcul au début de la guerre, elle a 17 ans. Elle va avoir 17 ans. Elle a 17 ans à peu près au moment de la bataille de la Marne. Et elle trépigne. Elle est les deux filles, Irène et Ève, étaient parties en vacances et Marie Curie était restée à Paris. Puis la guerre éclate. Ève étant la petite sœur. Ève étant la petite sœur qui a 9 ans à l'époque. Irène trépigne. Elle veut se rendre utile comme sa mère. Elle essaye par tous les moyens de la convaincre et Marie finit par céder. Et donc, elles vont se retrouver. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est le lien entre ces deux femmes. Elle n'est pas facile, Marie Curie, il faut quand même dire les choses. Comment définiriez-vous cette mère? Oh, c'est une mère très aimante, mais dure. Je pense que l'époque s'y prête. Le patriotisme est quelque chose de puissant. Tous les enfants, tous les gens qui étaient restés au front, à l'arrière, ont fait les moissons, ont tricoté des pulls, enfin, ont fait quelque chose. C'est à la fois tendre et exigeant. Je pense que les valeurs portées par l'écurie en général sont assez élevées. Donc ça impose effectivement un certain degré d'exigence. Il faut toujours rappeler le dévouement de ce couple, sa volonté de ne conserver aucun des brevets issus de leur découverte. Ça, c'est incroyable. Tout est toujours dans le domaine public. C'est-à-dire qu'ils auraient pu devenir, le terme n'est pas excessif, milliardaires avec les découvertes qu'ils ont faites. Et pas du tout, ils donnent toujours tout à la collectivité. C'est vraiment dans leur état. Ils donnent les techniques pour extraire le radium. Marie va même donner son radium, qu'elle avait mis des années à extraire avec Pierre Curie dans des conditions assez terrifiantes. Un gramme de radium en 1914, ça vaut 700 000 francs de l'époque, donc 2,5 millions d'euros. Ouais. C'est une fortune et il y en a très peu dans le monde. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement précieux, qui est à la fois un outil de recherche et qui va devenir un outil de soins avec la radiothérapie. Elle en fait don après la guerre à son laboratoire. Oui, il y a une espèce d'abnégation totale assez extraordinaire chez ces personnages, et en même temps il faut dire quand même, soyons tout à fait honnêtes, elle ne se livre pas facilement, Marie Curie, c'est pas une personne qu'on a envie de serrer dans ses bras a priori quand on ne la connaît pas comme ça. Elle est un peu revêche, voilà. Elle se protège, oui. Elle est née dans un pays occupé. Elle a appris à mentir, elle a appris à se battre, à se défendre. En Pologne, ça a été très dur. Elle n'avait pas le droit de parler sa langue, elle n'avait pas le droit d'étudier les sciences, elle n'avait pas le droit de connaître l'histoire de son pays. Donc l'accès au savoir était forcément caché. Et était forcément une bataille. Donc oui, c'est quelqu'un qui se protège, c'est quelqu'un qui va être très vite exposé dans la presse. Et puis alors, quand elle arrive à Paris, c'est d'abord la difficulté matérielle, il faut le dire, avec de tout petits moyens. Il faut travailler d'une façon incroyable. Et puis ensuite, elle devient certes la collaboratrice de son mari, peut-être même le moteur du couple, mais on n'empêchera pas tous ces messieurs de l'Académie des sciences de considérer qu'elle n'est jamais que, comment est-ce qu'on pourrait dire, la laborantine, en fait. C'est ça, c'est comme ça qu'elle est perçue. C'est comme ça qu'elle a été perçue. Elle a fait une arrivée époustouflante dans le monde des sciences, qui était un monde d'hommes. D'ailleurs, il faut quand même rappeler que Marie Curie, qui était déjà prix Nobel, s'est présentée, on le lui a fortement conseillé de se présenter à l'Académie des sciences, et elle n'a pas été élue. Ah oui, ça paraît fou, mais on devait estimer qu'elle serait non pas le loup dans la bergerie, mais la louve en tout cas. Oui, c'est ça. Elle a été aussi profondément atteinte, c'est tout à fait naturel, par la mort de cet homme qu'elle aimait profondément, Pierre Curie. Un accident idiot, alors vraiment comme il pouvait en arriver souvent. On pense souvent aux accidents de voiture, on oublie à quel point il y avait de nombreux accidents de voiture hippomobiles du temps des voitures à chevaux. Du temps des voitures à cheval, pardon. C'était très fréquent. Il y avait comme ça beaucoup d'accidents. C'est un accident de circulation, comme de aujourd'hui circulation, voilà, un piéton se faire renverser par une voiture. Il y avait des embouteillages dans les rues parisiennes. Il pleuvait, il a voulu passer, il n'a pas vu le camion qui arrivait. Alors, ils étaient dans une période de crise en plus, de difficultés avec l'institution. Pierre vient à mourir, elle se retrouve seule à la tête de ce laboratoire et de ses recherches. Et puis, va survenir assez vite l'affaire Langevin. Il faut en dire un mot pour nos auditeurs, parce que sans le contexte de cette affaire Langevin, on ne comprendrait pas l'état d'esprit de Marie Curie au début de la Première Guerre mondiale. Oui, l'affaire Langevin, cette femme qui était d'abord mondialement connue, à la une des journaux pour son prix Nobel, puis à la une des journaux parce que touchée par le malheur, donc c'était l'illustre veuve, s'est retrouvée à la une des journaux accusée de vouloir séparer Langevin, qui était un élève de Pierre Curie, grand physicien, de sa femme et de ses quatre enfants. Et la violence des attaques, à ce moment-là, est assez inimaginable. Il y a eu des émeutes devant chez elle. Elle s'est fait traiter d'étrangère, on lui a demandé de rentrer chez elle. Elle a dû quitter chez elle, être cachée à l'école normale par les Borel, qui sont des amis, des proches. Irène, qui est jeune encore à ce moment-là, voit ça dans la presse. Elle écrit d'ailleurs quelque chose de formidable. Elle appelle sa mère, elle dit « je suis fille de Reine » à ce moment-là. Et donc le lien, je pense, qui était déjà présent au moment de la mort de Pierre Curie, bien sûr, se resserre encore à ce moment-là. Il va être en apothéose pendant la guerre, puisque Irène, d'une certaine manière, prend la place de son père. Le couple Pierre et Marie Curie, c'est une complémentarité extraordinaire. Et Irène ressemble beaucoup à son père. Cette réflexion sombre et grave, comme dit sa mère. Et d'une certaine manière, elle prend sa place. Oui. Il y a non seulement une sorte de substitution de ce point de vue, mais il y a une, on pourrait presque dire une communion, va se créer tout un petit groupe en quelque sorte qui va protéger, qui va entourer Marie Curie, il faut le dire aussi ça. Oui, bien sûr un groupe de gens comme elle, hein, des chercheurs, des professeurs. Alors on voit Claudius Regaud dont vous parliez tout à l'heure, qui a joué un rôle essentiel, bien entendu. Au départ ça commence pas très fort et puis petit à petit il devient un soutien. Lui, oui, ça commence pas très bien parce que Marie Curie est très connue, donc a été très attaquée, très exposée, doit partager le laboratoire qu'elle obtient enfin avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qui fait des recherches dans un domaine qu'elle ne connaît pas, qui n'est pas le sien, qui est le monde médical, et doit partager un peu son gramme de radium pour qu'il puisse chercher avec ça. Donc ça l'arrange moyennement, on va dire. Et le parcours personnel de Claudius Regaud, qui est aussi un parcours de bataille pour sauver des vies, en refusant d'obéir aux consignes de l'état-major, en n'évacuant pas, en installant un immense hôpital près du front. Cette bataille-là va toucher Marie Curie et va faire qu'effectivement la rencontre difficile au début de la guerre devient possible à la fin de la guerre. Mon arrière-grand-père, nous dit Delph via Internet, mon arrière-grand-père Gaston Bonal travailla avec Marie Curie. la possibilité de localiser précisément les éclats transforma toute sa façon d'opérer, donc son rapport à la médecine, mais aussi son rapport avec les patients. Plus de précision dans la localisation des balles, c'était plus de rapidité, moins de souffrance et dans certains cas, beaucoup moins de séquelles pour les blessés. C'est ce que nous disions tout à l'heure, mais c'est toujours bien d'en avoir un témoignage de l'intérieur d'une certaine manière. J'écoute votre récit sur Marie Curie, nous dit par ailleurs Françoise, et cette histoire rejoint celle de Nicole Mangin, la seule femme médecin de cette guerre. Il faut aussi en parler. D'une façon générale, Marie Curie et toutes ses manipulatrices, parce que ce sont des femmes, bien entendu, qui travaillent avec elle et selon ses prescriptions dans les différentes voitures, toutes ces femmes incarnent le rôle des femmes pendant la Première Guerre mondiale, un rôle qui pendant de nombreuses décennies est resté totalement secondaire et qu'on est en train depuis une quinzaine d'années de redécouvrir et de mettre en avant. Mais Nicole Mangin et Marie Curie vont travailler ensemble, puisqu'en deux mots, Nicole Mangin est la seule femme médecin qui a été prise pour un homme pendant la guerre et qui a donc été mobilisée. Et puis elle est rentrée à Paris. Par une erreur. Oui. Et elle a finalement créé l'école Edith Cavell, autre femme importante de la Première Guerre mondiale. Et c'est avec cette école que Marie Curie va créer sa formation pour les aides manipulatrices radio, donc uniquement des femmes. Mais on est déjà en 1916 à ce moment-là, et auparavant elle a travaillé avec des hommes. Il n'y a plus d'hommes, il n'y en a plus assez. Donc elle se tourne vers les femmes et elle leur propose autre chose que de fabriquer des obus. Elles sont combien les manipulatrices formées donc à ce... 180 en tout si on 180, inclut l'année 1919. Beaucoup, oui. Et bien sûr, elles n'ont pas toutes pu être formées par Marie Curie en personne, j'imagine. Si. Elles ont toutes été formées par Marie Curie. Irène l'a secondée. Marie Curie faisait passer tous les examens. Et oui, elle a été présente. Elle n'était pas seule. Elle a été entourée par d'autres personnes, et en particulier Irène. Mais elle a été en contact avec les 180 élèves. Alors, on dit que nul n'est prophète en son pays. Certes, Marie Curie a été fêtée, a été reconnue par la France pour ce qu'elle avait fait. Elle avait dans un premier temps refusé la Légion d'honneur, mais à titre civil. Et elle a laissé entendre à sa fille, Ève, qu'elle aurait bien aimé l'avoir à titre militaire, seulement on ne la lui a pas proposée. C'est quelque chose d'assez émouvant que révèle Ève dans la biographie de sa mère qu'elle écrit quelques années après la mort de Marie Curie. Et c'est quelque chose qui nous a touchés, nous trois, les auteurs de ce film, Yann Le Gall, le co-scénariste, Alain Brunard, le réalisateur et moi-même. Et c'est vrai qu'on serait très heureux si cet oubli était réparé. Et nous avons adressé une demande à François Hollande dans ce sens. Je pense que ce serait juste de reconnaître ce qu'elle a fait, d'un point de vue de la nation. Je pense que ce serait utile aujourd'hui où nous sommes quand même tous dans un certain marasme, or ce qu'elle fait, sa bataille et les conséquences donnent beaucoup d'espoir. Oui, c'est un exemple, oui, on peut dire. Voilà, c'est un exemple. Yann Le Gall et moi-même, nous avons tous les deux un garçon de 13 ans. C'est aussi pour eux que nous écrivons ces films et c'est pour eux qu'on aimerait bien que Marie Curie obtienne la Légion d'honneur à titre militaire. Sachant qu'elle est entrée au Panthéon quand même, donc c'est une sorte de super, super Légion d'honneur. Mais enfin, abondance de biens ne nuit pas. Lorsqu'elle va faire son voyage aux États-Unis après la Première Guerre mondiale, là, elle est accueillie comme une sorte, quasiment comme un chef d'État, il faut le dire. C'est assez étonnant, ça. Oui. C'est très. Enfin, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la seule biographie que Marie Curie écrit, elle l'écrit en anglais pour les Américains, qui l'accueillent comme la France ne le fait pas. Mais non, bien sûr. La Belgique a accueilli Marie Curie pendant la guerre. L'Amérique l'accueille et la célèbre après la guerre. Et en France, il va falloir attendre les années 20 pour que le Parlement vote une rente, comme ça avait été fait pour Pasteur, pour un certain nombre de chercheurs. On est nul des prophètes en son pays, même son pays d'adoption. Oui. Elle va mourir, donc je le disais tout à l'heure, en 1934, des suites d'une leucémie. Évidemment que ce sont les radiations qu'elle a reçues qui ont accéléré les choses, j'imagine, et même sans doute déclenché la maladie, pour autant qu'on sache. Ce sont les radiations dues au radium, à la radioactivité, mais aussi dues aux rayons X pendant la guerre. On en est maintenant à peu près certain. C'est vrai qu'elle a fait quand même un certain nombre d'examens radiologiques et même en se protégeant, tout ce qui était radioscopie, donc les rayons en continu, exposaient quand même beaucoup les personnes qui les pratiquaient. Irène aussi, d'ailleurs. Alors j'ai beaucoup de choses à annoncer à la fin de cette émission. Évidemment, on est le 11 novembre, il y en aurait même tellement que je vais vous renvoyer au site internet de l'émission, mais je vais quand même annoncer certaines choses. Alors d'abord, il faut voir le film ce soir à 20h50 sur France 2. Et puis, lire de Marie-Noëlle Imbert, Marie Curie, portrait d'une femme engagée, 1914-1918. Donc, un ouvrage qui est publié chez Actes Sud. J'aurais dû m'en douter vu le format du livre, mais enfin, je préfère vérifier. Je voulais souligner encore l'apport à cette émission de Maxime Leroux, qui m'a fourni un certain nombre des éléments de ce récit. C'était son diplôme d'université d'histoire de la médecine sur Marie Curie et son engagement pendant la Grande Guerre. Et puis alors, un certain nombre d'éléments. Il faut absolument aller voir au théâtre Les Déchargeurs jusqu'au 18 décembre. Ceux de 14, c'est le texte de Maurice Genevoix, en tout cas une partie du texte remise en, comment on pourrait dire, mise en scène et complètement incarné par la compagnie Olivier Lacute. Ça c'est assez spectaculaire et ça fait partie des beaux programmes, des beaux spectacles de cette célébration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Il y a également au Théâtre 14, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre, les Coquelicots des tranchées. Je pourrais citer comme ça un certain nombre de spectacles, beaucoup de manifestations de toutes sortes, des expositions partout. Encore une fois, je vous renvoie à notre site et au site du centenaire, le site officiel aussi, hein, qui est très bien fait et qui permet de voir tout ça. Sur la page Facebook, me dit-on, ben voilà. Alors là, dès qu'on arrive dans ces domaines, vous savez, je nage. Mais heureusement, Marion Sauveur est là pour m'aider. Et puis alors, je vous signale également que plus de 1500 lettres, autographes et manuscrits seront vendus aux enchères les 18 et 19 novembre prochains à la salle Favard par l'étude Ader Nordman. Et ce sont des manuscrits, des autographes de femmes, des lettres de femmes. Et bien voilà, donc une vente aux enchères entièrement consacrée à toutes les femmes en général, aux plus célèbres en particulier, et tout particulièrement à Marie Curie. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Guillaume. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Sa question est la suivante. Depuis quand porte-t-on des chapeaux? J'ai envie de dire depuis toujours. Vous savez, je ne suis pas un spécialiste de la mode préhistorique, mais j'imagine que nos ancêtres des cavernes avaient déjà des couvre-chefs qui étaient destinés à les protéger, mais aussi à marquer un statut. C'est fondamental, c'est intéressant de voir à quel point le couvre-chef va permettre d'identifier l'appartenance sociale des individus au fil des siècles. Alors, vous savez que les Grecs portent le pilos, qui est une espèce de bonnet qui peut être en cuir ou en laine, et que les Romains se réapproprieront, ou plutôt qu'ils utiliseront pour coiffer les esclaves affranchis. C'était donc d'emblée déjà, vous voyez, une marque de distinction, pas forcément favorable. Le mot chapeau vient de chapelle, hein, c'est lui-même une déformation du latin caput, la tête. Il s'agit au départ d'un capuchon qui servait à couvrir la tête, d'où la profession de chapelier qui est mentionnée dès le XIIIe siècle dans le livre des métiers d'Étienne Boileau. Petit à petit, on va distinguer le bonnet et le chapeau. Il faut dire que le chapeau est un accessoire essentiellement masculin et que les femmes, elles, vont porter des foulards, des voiles, toutes sortes de bonnets, de coiffes. Rappelez-vous l'extraordinaire hennin, hein, cette espèce d'immense coiffe à cornes très sophistiquée, bien entendu. C'est au XVIIe siècle que les femmes, presque par bravade, vont s'approprier le chapeau. À partir de là, ça devient un accessoire de plus en plus exubérant. Je vous fais grâce du tricot, du chapeau haute forme du 19e siècle, etc. Le chapeau va être un accessoire essentiel de la mode, au moins masculine, jusqu'à la dernière guerre mondiale. Il a tendance à revenir à la mode en ce moment.